Une aube de douceur s'éveille sur la lande. Le printemps de Bretagne a fleuri les talus. Les cloches de Kéris l'ont dit jusqu'en Islande. Aux pâles en allées ne reviendront plus au printemps de Bretagne. Au printemps de Bretagne, enchantement du monde, sourire virginal de la terre et des eaux. C'est comme un miel épars dans la lumière blonde. Viviane éveillée a repris ses fuseaux. File, file l'argent des aubes aprilines. File pour les landiers ta quenouille d'or fin. Ne fais qu'une émeraude avec la mer sans fin. De tes rubis charmeuses habille les collines. C'est assez qu'un reflet brille à tes doigts de flamme. Une lueur ravie à ton ciel enchanté. Descende jusqu'à nous pour rattacher notre âme à l'âme du pays qu'a fleuri ta beauté.